Quelques années plus tard, rompu à la conduite des trains de voyageurs rapides, mais à nouveau rattrapé par le progrès, on lui proposa d'aller se former à la conduite des museaux pointus. Ça, c'était encore autre chose, et sa décision ne fut pas immédiate. Et puis, après tout, commencer balayeur et finir conducteur de TGV, c'était valorisant, surtout quand on voyait le mal que certains cadors de la route se donnaient pour les conduire. Quelques semaines de stage pénible, agrémentées de séjours laborieux à Paris pour parfaire l'immersion dans ce nouveau mode de traction, et l'affaire était dans le sac. Ce furent encore des lignes nouvelles à prendre. Paris, sur la ligne classique, coupé par un tronçon de ligne à grande vitesse avec une signalisation particulière, des changements de courant compliqués et des arrivées dans la capitale au milieu des trains de banlieue. Il y eut aussi la ligne de Vintimille à pratiquer aux grandes dames des Nissards qui ne voyaient pas d'un bon œil arriver ces bouffeurs de kilomètres sur leur terre de prédilection. Chacun voit midi à sa porte et les privilèges étant d'une autre époque, le modernisme est devenu exigeant pour les hommes du rail. C'était le début de 10 ans de conduite de train à grande vitesse, à subir les aléas mécaniques ou électroniques de matériel, peut-être trop rapidement mis en service commercial. Mais 10 ans de longues distances répétées et la solitude quotidienne n'avaient jamais altéré la satisfaction de Marcel, ni son plaisir de s'être sorti très vite du bourbier de ses débuts au dépôt.